Le peuple s'attache à balle. Les cœurs se mélangent aux idoles. La frontière entre l'alliance et la trahison devient trop floue. Les passions mêlent la foi et la chair et la sainteté est piétinée. Alors le jugement se lève à nouveau sur un camp désorienté. Même dans notre infidélité, tu rappelles que l'alliance est vivante. Ravive en nous le feu de la sainteté. Sans orgueil, sans dureté, un feu qui protège le, l'alliance et garde nos cœurs du faux désir. Ravive en nous le feu de la sainteté, non pour condamner mais pour sauver, pour que l'amour reste pur devant toi et ne s'égare pas dans l'ombre des détours. Se lève avec un zèle pur, non pour sa gloire mais pour ton nom. Et son acte arrête la plaie là où la mort allait encore de front. Tu dis je lui donne mon alliance, car tu honores les cœurs droits. Tu montres que protège nos cœurs de toute idole.